See you. fâchée par l'angoisse, mourant d'épouvante, pendant que les chasseurs tiraient sans relâche, près du lac sombre. Puis un énorme chien se jeta sur lui pour le manger. Il fit Thank you.